je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground ? Qui l'a développé ? Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes diverses et variées, toujours avec un prisme sciences humaines, réflexion, philosophie peut-être, je ne sais pas, je vous laisse juger. Et aujourd'hui, une thématique qui nous est chère et qui nous travaille depuis un certain temps encore, puisque on va parler évidemment de jeu, mais aussi d'art et surtout de gameplay. Et d'interactivité plus spécifiquement. Et je vais laisser mon cher camarade Manuel présenter l'invité du jour. Oui, bonjour Adrien, on est dans un format un petit peu particulier aujourd'hui puisqu'on n'a pas pu se réunir pour enregistrer l'un et l'autre, donc effectivement on est un peu loin. S'il y a quelques cafouillages au micro, vous nous en pardonnerez bien évidemment, vous qui nous écoutez. Aujourd'hui on est en compagnie d'Anthony Rajeul. Anthony Rajeul, je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous ne le connaissez pas, on va vous le présenter. Il s'agit d'un jeune chercheur qui a soutenu sa thèse tout récemment sur la bande dessinée numérique, ou plus exactement la bande dessinée saisie par le numérique. Et puis dedans, il s'est posé pas mal de questions concernant l'interactivité. Et c'est vrai que des fois, entre l'art contemporain, notamment l'art numérique interactif, et le jeu, on sent quelques proximités. Alors, à titre informatif, Anthony n'est pas un gamer à proprement parler, mais il s'est quand même penché sur la question. Et du coup, on s'est dit que ça pourrait être un éclairage intéressant. Alors Anthony, j'ai vaguement présenté la thèse, le nom de la thèse, mais est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous parler un petit peu de tes travaux, de ton parcours ? Alors, bonjour Adrien, bonjour Manu, merci de m'avoir proposé ce podcast, cette émission. Mon parcours, il se décline un petit peu en deux phases parallèles. Il y a d'un côté le parcours universitaire et de l'autre côté ma pratique artistique. Donc l'un se superpose à l'autre, ils ne font qu'un. Question parcours universitaire, c'est assez simple. Licence d'art plastique, un master art et technologie numérique, donc j'avais déjà rédigé un mémoire sur la bande dessinée interactive. Une année, on va dire que c'était une sorte d'année sabbatique, et puis j'ai enchaîné sur la thèse. En ce qui concerne plus précisément la pratique artistique, bon, je vais dire quelque chose de très banal, c'est que la bande dessinée, j'en fais depuis toujours, depuis que je suis tout petit. Et puis donc j'ai continué à en faire à l'université, donc j'ai souvent suivi dans mon cursus tous les cours qui concernaient la narration. Alors, j'ai pas suivi les cours de bande dessinée paradoxalement, mais tout ce qui était atelier narration et compagnie. Et parallèlement à ça, je me suis inscrit dans les ateliers qui étaient multimédia, design graphique, etc. Donc au bout d'un moment, arrivé en troisième année, les deux ont un petit peu fusionné et c'est là que j'ai commencé à faire de la bande dessinée véritablement numérique. Alors du coup, la bande dessinée, tu disais, tu as assez peu suivi les cours d'art plastique. Effectivement, dans la forme de bande dessinée que tu pratiques, tu utilises assez peu de dessins, si j'ai bien compris. Ou en tout cas, tu dessines assez peu toi-même. Tu n'es pas forcément un adepte du crayon papier, si je l'ai bien compris, pour tes œuvres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce processus ? Oui, alors c'est un rapport conflictuel au dessin, on va dire, puisque le dessin m'emmerde, ce qui est paradoxal pour faire de la bande dessinée. Ça m'ennuie pour une simple raison, c'est que j'aime pas passer du temps, beaucoup de temps, sur une planche. J'ai l'impression de diluer ce que je raconte le temps que je le dessine. Donc au-delà de deux heures et demie sur une page, j'ai l'impression d'avoir complètement perdu le fil de ce que je suis en train de raconter et de vouloir dire et de mettre en place visuellement. Et ça fait un certain moment, donc là c'était avant de commencer à faire de la bande dessinée numérique, c'était dans ma pratique de la bande dessinée papier, que j'utilise Illustrator et le dessin vectoriel pour réaliser mes planches, mes dessins. Donc ça reste du dessin, mais c'est un dessin effectivement assez particulier puisqu'il est composé uniquement de pictogrammes comme on peut voir sur les panneaux routiers. Et au fil du temps, au fil des années et des pages, j'ai accumulé toute une collection, toute une bibliothèque de personnages, de squelettes que je peux manipuler comme je veux, des squelettes en 2D. Et je peux manipuler, plier un coude, plier un genou pour donner telle ou telle position au personnage. Donc je dessine par copier-coller et en tirant sur des genoux et sur des coudes. Et peu à peu, tu es venu à l'idée d'interaction. Justement, est-ce que tu peux nous spécifier cette interaction avec une bande dessinée, ce qui est assez innovant, dirons-nous? Alors oui, Adrien, c'est assez, là encore, paradoxal, je ne sais pas si c'est le mot, mais j'y ai pas pensé en le faisant. J'ai pas du tout pensé à ça. Donc en troisième année, en fait, j'étais dans un cours d'atelier multimédia, un atelier annuel, 4 heures par semaine. Et j'ai travaillé sur cette fusion de mes deux pratiques, en fait, pratique du multimédia d'un côté et de la bande dessinée de l'autre, mais de manière complètement naturelle, mais en même temps, alors c'est venu naturellement, mais en même temps dans ce travail qui s'appelait Alduin et Caboche, qui était une bande dessinée pour CD-ROM, j'ai tout de suite posé les questions. Je me suis demandé qu'est-ce que ça fait quand on intègre du son, qu'est-ce qui se passe quand on intègre de l'animation, qu'est-ce qui se passe quand on intègre un module jouable, et les personnages eux-mêmes sont là pour en juger, pour analyser et commenter toutes les situations dans lesquelles je les mets. Alors cette interactivité-là que tu as fait venir très tôt, au-delà de l'atelier, elle te vient d'une pratique antécédente, chose que tu as vue, c'est quelque chose qui a émergé tout seul, peut-être tu avais, on le disait en ouverture, tu n'es pas un grand joueur, mais peut-être que un petit peu de pratique de jeux vidéo t'a posé ces questions-là. Alors effectivement, je suis pas du tout un joueur de jeux vidéo, je crois que le premier et le dernier auquel j'ai joué vraiment sérieusement, c'était Half-Life. Donc ça remonte quand même à quelques années. En dehors de ça, comment dire, c'est venu vraiment naturellement, d'une culture numérique, on va dire en général. C'est plutôt venu d'une analyse de la bande dessinée. Donc je me suis toujours intéressé à Lou Bappo, au travail de l'ouvreur de bande dessinée potentiel, à ce que pouvait faire Marc-Antoine Mathieu. Et finalement, j'ai projeté tout ça, toutes ces questions, derrière l'écran de l'ordinateur. Qu'est-ce qui se passe quand mes cases de bande dessinée se trouvent visuellement, sont affichées sur un écran, et qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'elles deviennent? Et naturellement, elles ont pris l'interactivité est apparue de manière naturelle à partir du moment où j'ai posé cette question sur la bande dessinée. Alors, je vais profiter d'avoir un universitaire sous la main, d'avoir quelqu'un qui a étudié la question en profondeur et qui va un petit peu au-delà de réflexions de comptoir qu'on peut avoir. On va peut-être, est-ce que, avant qu'on rentre vraiment dans le sujet, est-ce que tu peux nous dire, pour toi, qu'est-ce qu'un art, puisque ça fait partie de notre thème du jour, art, jeu, gameplay, interactivité, et donc pour toi, qu'est-ce qu'est un art, et est-ce que la bande dessinée en est un, et est-ce que le jeu, qu'il soit vidéo ou pas, en est un? Alors là, tu poses une question qui déborde de mes compétences, Adrien. c'est une question que tout le monde se pose, surtout en ce qui concerne des objets culturels, on va dire pop, pour le dire grossièrement. Donc effectivement, où est-ce que tu places le curseur? Je pense que le jeu vidéo comme la bande dessinée peuvent être des arts, mais n'en sont pas forcément. Il y a un curseur à placer entre le divertissement et l'art. Comme on parle de cinéma, de divertissement et de cinéma d'auteur, je pense qu'on peut faire la même distinction. Encore que, voilà, je ne peux pas te répondre autrement que de cette manière-là. Et je vais un peu prolonger ma question, parce que c'était Mehdi Belkacem qui évoquait cette idée-là. L'idée justement de pop, puisque tu utilises le mot, est en fait la pop culture et la rencontre d'un art avec une industrie. Est-ce que justement la bande dessinée et le jeu n'ont pas ce point commun qui fait que il y a peut-être des passerelles qui peuvent se faire? Alors j'oserais pas te répondre sur le jeu en vidéo en particulier. En ce qui concerne la bande dessinée, c'est presque évident puisqu'elle est née dans un creuset industriel, du 19e, de la révolution industrielle, et elle vient de là, elle puise sa source là-dedans, donc peut-être qu'il y a cette espèce de croisement de pratique de dessin, de la caricature ou autre, qui se forme et qui se développe dans le creuset d'une industrie culturelle née au 19e. Alors je vais reprendre le fil de ta thèse, puisque c'est un des éléments qui nous a pas mal interpellés. Le titre, c'est « La bande dessinée saisie par le numérique, forme et enjeu du récit reconfiguré par l'interactivité ». On parle donc bien ici de récit interactif, de récit qui va laisser de la place au lecteur, même si finalement tout récit laisse de la place au lecteur, mais là, le lecteur, on en fait un petit peu autre chose. Est-ce que tu peux nous donner dans les grandes lignes, et j'ai bien conscience que c'est pas évident en quelques minutes, nous donner dans les grandes lignes la thèse de ta thèse, si je peux me permettre, enfin, la grande idée, les grandes idées qui s'en dégagent, c'est quoi ton approche sur le sujet, justement, qu'est-ce que devient le lecteur de bande dessinée numérique interactive? Oula, ça va être compliqué à résumer aussi succinctement. La thèse, elle se centre vraiment sur le fait de dire que l'interactivité est au centre de la bande dessinée numérique. C'est ce qui la distingue fondamentalement de la bande dessinée, mais aussi d'une partie de ce qu'on appelle bande dessinée numérique, qui n'est pas réellement interactive, sauf dans son mode d'accès, dans son mode d'affichage, mais qui reste de la bande dessinée numérisée ou de la bande dessinée créée sous le coup du paradigme papier, donc selon des codes des codes qui ne sont pas ceux du numérique, on va dire. Du coup, ça y est, tu me disais déjà. Je vais reprendre parce qu'il y a des gens qui nous perturbent aux alentours, c'est pour ça. Mais donc, je demandais, c'était quoi ton approche, quel regard tu avais sur le lecteur de bande dessinée numérique qui n'a pas la même qualité, la même relation à son œuvre, enfin à l'œuvre, que le lecteur de bande dessinée papier, puisqu'effectivement, il y a interactivité, donc la relation n'est plus du tout la même. Oui, effectivement. Alors, pour le résumer vraiment en deux mots, je dirais que le mode de réception de la bande dessinée numérique n'est plus la lecture, plus seulement la lecture. C'est soit une lecture qui s'additionne, à laquelle s'ajoute une action, donc lire et agir, ou, dans une autre optique, une lecture auquel s'ajoute un visionnage, donc lire et visionner. Mais les deux se font dans le même temps. On obtient un seul mode de réception qui combine lire-agir ou lire-visionner. Et c'est ce que j'ai appelé, ce que j'ai recouvert sous le terme lectacture, pardon, qui est un terme un peu compliqué à prononcer, que je suis allé chercher chez Jean-Louis Weisberg. Donc c'est lui le premier qui a établi la notion de spectateur. Et de lectateur, mais je la distends quand même assez fortement, puisque pour lui, on se concentre sur la partie lire-agir. Spectateur, c'est bien la contraction de spectateur et acteur. Là, je me permets de recouvrir aussi sous ce modèle lire et visionner. C'est un petit peu élargir quand même la notion d'origine. Et du coup, dans cette réflexion-là, tu t'es forcément, à un moment, j'imagine, posé la question du jeu et du gameplay. Alors oui, et cette question, elle est apparue par rapport aux remarques ou aux commentaires qu'ont pu faire d'autres chercheurs et d'autres observateurs sur mes propres créations. Parce que je ne sais pas si ça a été précisé plus avant que ça. Bon, j'ai parlé de ma pratique artistique à l'université. La pratique en tant que chercheur en art plastique est complètement au centre de mon travail. Il faut le repréciser peut-être. Et de fait... On s'est souvent interrogé, hein, donc notamment Thierry Grunstein dans son dernier ouvrage, mais d'autres également, sur la véritable nature de ce que j'avais fait. Donc notamment, je pense à Prise de tête, hein, qui est sortie en 2009. Pour beaucoup, c'était peut-être plus de la bande dessinée, puisqu'il devenait évident que justement, on ne savait plus exactement si c'était bien de la lecture. Et donc peut-être que c'était du jeu, parce qu'il fallait chercher un petit peu partout les modes d'interaction, les zones à survoler, etc. Et derrière cette critique, donc ça menait au fait de dire qu'on perdait en route le fil de l'histoire et que peut-être tout ce qui comptait finalement, c'était les points d'interaction. Donc à partir de là, ça m'a posé question. Alors En tant que praticien dans mes convictions, je prétends que je ne crée pas des jeux. Hein. Je crée bien des récits, je suis là pour raconter, même si je conçois qu'il y a du jeu à l'intérieur de mes récits. Alors néanmoins, évidemment, dire ça, ça ne suffisait pas. Hein. Donc pour la thèse, j'ai posé la question plus largement. Donc j'ai bien effectivement approuvé le fait qu'il y avait du jeu à l'intérieur de ces récits. Je voulais voir exactement comment cette présence du jeu se développait, comment elle se faisait, comment elle existait à l'intérieur du récit, et comment le lecteur, sur ce mode du jeu, était mis en condition de participer, d'intervenir à l'intérieur du récit. Et donc du coup, je me suis tourné vers le jeu vidéo. La première question que je me suis posée, à vrai dire, c'est pas tant celle du jeu vidéo, c'est celle de la règle. Quand on lit Kaiwa, quand on lit Henryo, on constate que le jeu est défini avant tout comme un système de règles, peu importe le récit qu'il y a derrière ou qu'il n'y a pas, tout dépend d'ailleurs des jeux, certains produisent du récit et pas d'autres. Et je me suis demandé si dans la façon d'intervenir du lecteur, est-ce que cette façon était régulée par un système de règles du jeu ? Alors c'était une première voie pour essayer de tester cette question. J'ai voulu voir si on pouvait tricher, gagner, perdre dans un récit interactif. Et il s'est avéré que non, ou en tout cas c'était un peu inexact de parler de règles du jeu. Parce que la règle du jeu, déjà il n'y avait pas réellement de gain, de perte, de triche. Et puis la règle du jeu se confondait très souvent avec le mode d'emploi sans qu'on puisse vraiment distinguer l'un et l'autre. Ce qui va peut-être être une distinction avec, je sais pas, un jeu de société, je sais pas, prenez puissance 4. Le mode d'emploi, c'est bien glisser les jetons dans la fente en haut du bidule en plastique, de la grille en plastique. Et la règle du jeu, par contre, c'est essayer de faire une ligne de 4 jetons avant votre adversaire. Là, dans le récit interactif, c'était plus possible de distinguer les deux, le mode d'emploi et la règle du jeu. Je me suis dit, c'est pas ça, c'est une fausse piste. Alors qu'est-ce qui pourrait être la bonne notion, la bonne réponse, la bonne explication ? Et c'est là que je suis allé voir dans le jeu vidéo, en faisant le constat que la façon dont le lecteur explorait le récit interactif et la façon dont il découvrait ses règles internes, hein, sa structure formelle, ce qu'il avait le droit de faire ou de ne pas faire, se faisait sur le mode essai-erreur-ajustement. Où il pouvait découvrir petit à petit des règles qui n'étaient pas données à l'avance. C'est ça la particularité du récit interactif, peut-être, c'est que la règle n'est pas donnée à l'avance et que le spectateur va à sa découverte tout au fil de l'histoire, du parcours qu'il fait. Et justement, ce mode de découverte de la règle, essai-erreur-ajustement, c'est précisément celui du gameplay. C'est précisément celui du jeu vidéo, d'où être allé chercher logiquement cette notion. Adrien, tu voulais poser une question peut-être ? Alors, je crois que nous avons perdu Adrien. On va continuer et puis il va nous rejoindre tout prochainement. En attendant, Anthony, donc moi, je me demandais dans quelle mesure il n'y avait pas un autre élément qui jouait effectivement et qui pose la question et la différence entre ces deux formes, c'est-à-dire récit interactif d'un côté, jeu de l'autre, et c'est la notion de fun, c'est-à-dire que dans un récit, on va suivre et poursuivre la suite du récit pour avoir la suite de l'histoire. Alors que parfois dans un jeu, c'est le défi technique, le défi de jeu qui nous dit qu'est-ce que ça va être l'énigme suivante. Et je me posais la question de savoir si finalement, c'est pas aussi sur ce point que des critiques avaient pu être émises, notamment à l'encontre de Prise de Tête, en se posant la question de est-ce que l'internaute qui va suivre Prise de Tête va suivre Prise de Tête pour voir les choses se dévoiler et effectivement voir ces interactivités, ou est-ce qu'il vient chercher le récit, et comment on pense la chose en tant qu'auteur en disant qu'est-ce que je propose et qu'est-ce que je veux provoquer comme sentiment, que ce soit une frustration de récit, de l'histoire, j'ai envie d'en savoir plus derrière, ou que ce soit une frustration ou une excitation d'interface réellement. En fait, tu es en train de dire que Prise de Tête est beaucoup trop fun, alors. Du coup, effectivement, je me suis posé la question, hein, suite à ces remarques où on disait que ça relevait plus du jeu. Il me semble que c'est parce que j'ai voulu faire de Prise de Tête un panorama de toutes les possibilités d'interaction possibles. de tous les modes d'interaction possibles et que le spectateur est amené à chercher en permanence. Alors évidemment, c'est pas sans lien avec l'histoire, hein, puisque c'est l'histoire d'une quête initiatique. Par contre, je me suis dit que peut-être j'étais allé trop loin pour que certains puissent considérer que c'est du jeu et ne pas en démordre, en tout cas. Et je suis revenu un petit peu sur mes pas et dans une création suivante, donc en 2012 avec Rommel et le Tortionnaire, dans lequel j'ai choisi de me limiter à un seul mode d'interaction, toujours le même au long de tous les chapitres, bien qu'il déclenche des choses différentes dans chacun des chapitres. Mais de cette manière, ça me permettait de mieux structurer la chose autour du récit, autour de ce que j'avais à raconter, en perdant moins le lecteur dans une recherche de qu'est-ce qu'il faut manipuler, qu'est-ce qu'il faut utiliser, qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que depuis tu as eu l'occasion de pratiquer un petit peu certains jeux ? Alors moi je pense à des jeux sur plateforme mobile notamment, quelques-uns, le premier qui me vient en tête c'est un jeu qui s'appelle Pretentious Game, pour le coup parce que le parti pris graphique est assez proche, on joue un personnage principal qui est un petit carré de couleur avec à chaque fois un récit qui est vraiment central dans ce qui est proposé, où chaque niveau fait avancer un petit peu une histoire en plus pas particulièrement rigolote, et une histoire de sentiments, mais où la phrase qui fait avancer le récit dans chacun des tableaux est aussi la règle qui va permettre de résoudre le tableau en question. C'est des choses que tu as pu aller observer un petit peu, parce qu'il y a en ce moment un certain nombre de jeux, j'en citerai quelques autres tout à l'heure, qui oscille et qui loue entre jeu, parce qu'effectivement il y a quelque chose de l'interactivité, de la recherche, de cette petite chose qui nous titille quand on joue, de « ah, il y a un truc qui m'échappe, j'ai envie d'aller comprendre de quoi il s'agit », et en même temps récit, parce que derrière il y a une histoire structurée qu'on va dévoiler petit à petit de façon interactive, donc des fois de façon non linéaire par exemple. Je pense que là, tu touches peut-être à la question de la guéguerre entre le fait de qualifier un objet de jeu ou de le qualifier de récit. J'ai décidé de pas entrer là-dedans. J'ai décidé tout simplement, en suivant d'ailleurs les théoriciens du jeu vidéo, qui avaient cette polémique au début des années 2000 et qui en sont revenus, de dire que voilà, il y avait la narration, il y avait le jeu, les deux étaient co-présents, coexistants ensemble dans un même objet numérique. Après, simplement, peut-être à des degrés divers, à des degrés différents dans chacun des objets. Moi, une question qui me vient très vite, puisqu'on parle de jeu et de bande dessinée numérique, en fait, c'est la question de l'interface homme-écran. Ça paraît évident pour le jeu vidéo. Mais ça l'est aussi sur l'homme-objet pour une bande dessinée papier. Et justement, quelles sont les différences marquantes entre un jeu vidéo et peut-être un jeu bande dessinée ou une bande dessinée interactive ? Question importante. Par contre, je ne me permettrai pas là encore d'aller du côté du jeu vidéo. Je le répète, ce n'est pas tout à fait mon domaine. Hein. Je suis allé chercher des concepts chez les chercheurs qui traitent du jeu vidéo, mais je ne suis pas moi-même un spécialiste de la question. Par contre, pour ce qui est de l'interface, dans ce que je connais le mieux, hein, dans la bande dessinée numérique, mais aussi dans tout ce qui est récit numérique au sens large, littérature numérique notamment, effectivement, elle est centrale parce qu'elle est à écrire autant que le reste. On n'a plus seulement à dessiner, à écrire une histoire qui tienne dans un certain nombre de cases enchaînées les unes aux autres. On doit aussi écrire une interface, écrire des situations interactives, prévoir et modeler le comportement de son lectateur. Pour le dire plus simplement, on a vraiment affaire à un récit interface. L'interface est la forme même du récit. Finalement, oui, là, on se rapproche du jeu où effectivement, c'est l'interface qui va profondément définir la façon dont on se sert de l'objet, là où un livre, par exemple, ne nous dit jamais s'il faut qu'on le lise dans l'ordre ou dans le désordre, de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. Finalement, on est presque plus contraint quand on suit un récit interactif. Oui, alors il y a deux types de contraintes. Quand tu dis qu'on ne sait pas comment on doit lire un livre, en fait, il y a un ensemble de conventions culturelles qui existent depuis plusieurs siècles sur la forme du codex qui font qu'on sait très bien comment on doit utiliser un livre, a priori en tout cas. Effectivement, c'est la même chose avec le numérique. Moi, tout mon jeu, tout le jeu de mon approche hein, que je décris dans la thèse, mon approche de plasticien donc, que je décris et que j'analyse en tant que théoricien, c'est d'avoir une approche critique de cette utilisation des outils numériques en général et des interfaces en particulier. Donc je me demande toujours, à partir d'une interface très simple, par exemple la souris, le clic, le pointeur de la souris, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Habituellement, le clic, il n'est pas du tout intégré dans l'histoire. On va avoir une planche de bande dessinée ou quelques cases, peu importe la forme que ça prend, qui va être affichée. Et le pointeur de souris, il est là, il se balade par-dessus, il est complètement indépendant de tout ça, il sert à passer à la page suivante, la précédente, éventuellement un petit coup de zoom, mais il est indépendant, il n'est pas intégré à l'histoire. Et ce que je vais faire, moi, c'est vraiment chercher dans une approche critique de cet outil, de ce curseur de souris, qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux l'intégrer dans l'histoire ? Alors d'abord, je me demande de quoi il va être composé. Finalement, un clic, c'est quoi ? C'est trois temps. C'est on enfonce le bouton, on relâche le bouton et éventuellement on survole. Qu'est-ce qu'on fait pour chacun de ces temps ? Comment l'image réagit ? Comment cette réaction intervient dans l'histoire ? Et comment est-ce qu'on peut peut-être donner une autre forme au curseur ? Est-ce qu'on le personnifie ? C'est ce que j'ai fait par exemple dans la performance cache-cache où je lui ai donné l'apparence d'un personnage. Voilà, c'est ce genre de questions que je vais me poser sur l'interface. Peut-être que je m'écarte, je ne sais plus quelle était la question d'origine. Voilà en tout cas ma pratique critique des interfaces et de remise en cause des conventions autour des outils numériques. La question d'origine, mais tu as partiellement répondu, c'était finalement est-ce que dans un récit interactif, on n'est pas presque plus contraint que dans un récit traditionnel, dans la mesure où l'interface fait partie du récit, du coup on est obligé de suivre l'interface exactement comme le créateur l'a entendu. Alors ça c'est toujours la question du lecteur modèle, qui devient cette fois la question du lecteur modèle. Comment notre lecteur va réagir dans l'interface qu'on a prévue pour lui, dans le gameplay qu'on a constitué pour lui. Et c'est tout le jeu justement du récit numérique, et ça va me permettre de revenir au gameplay d'ailleurs, d'être une zone de tension. C'est un espace, le gameplay, c'est un espace de tension entre d'un côté les actions et la liberté offerte au lecteur, et de l'autre côté, l'ensemble de la structure formelle qu'on a mise en place dans le récit, dans le jeu, qui va venir réguler cette liberté du lecteur. Alors, comment dire ? Ah, je me perds encore. Je suis désolé, les interruptions techniques m'ont un peu perturbé tout à l'heure. C'est pas grave, on va pouvoir enchaîner sur d'autres questions. Moi je me posais, et finalement c'est pas très très éloigné, la question de quel regard tu as sur des jeux comme par exemple Framed, qui est sorti sur interface mobile, et qui utilise le dispositif technique de la bande dessinée, à savoir la page, les cases, et le fait qu'il y a un enchaînement de cases les unes derrière les autres, tout en y intégrant la dimension interactive qui permet de changer l'ordre des cases pour changer le résultat du récit. Tu vois ça comment ? On est vraiment dans du gadget technique ou il y a une vraie approche réflexive sur ce que ça pourrait être la bande dessinée et l'usage du numérique qui permet de justement de détourner les codes même de ce qui fait le genre, la forme artistique. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de tester ce jeu-là, mais j'en ai entendu parler. Évidemment, ça m'intéresse beaucoup, notamment comme tu le dis, tu te poses la question de savoir si c'est gadget ou pas. La plupart du temps, dans beaucoup de cas, les interactions demandées dans une bande dessinée numérique relèvent pas mal du gadget. Bon, après, tout est relatif, hein. Il faut avoir le sens de la mesure, mais effectivement, il me semble que dans cette proposition-là, dans ce jeu-là, justement, c'est plus un gadget, c'est qu'est-ce qui se passe si je remonte le temps, si je reviens en arrière, comment ça influe sur le récit au présent ? Et on est dans une vraie question sur le récit en général, hein, c'est pas seulement la bande dessinée, sur le déroulement d'une narration et sur la façon dont le jeu permet d'intervenir dedans. Ça me fait penser à une autre chose. Alors, je vais peut-être encore m'écarter et dériver, mais ça m'amène à poser une autre question, une remarque que je pose dans la thèse, mais sans vraiment y répondre. C'est plutôt quelque chose, une réflexion un peu rhétorique, où je me dis que finalement, le récit, de manière générale, le texte, l'image, tout ça, ça fait bien longtemps que ça s'est émancipé du support papier et que ça a trouvé dans les supports numériques, notamment le CD-ROM et tout simplement le site web, un excellent moyen d'émancipation, un excellent moyen de vie, d'existence, voilà, de prendre une forme numérique. Alors finalement, peut-être qu'il se passe un phénomène inverse à un certain moment où toutes ces formes numériques-là qui sont en constitution, en expérimentation peut-être depuis 20 ans, ont besoin de retrouver des repères dans les formes déjà existantes. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de retour où certaines créations, certaines œuvres vont peut-être non pas partir de la bande dessinée, mais être des récits numériques qui vont s'inspirer du système de la bande dessinée, de ses codes, de son mode de fonctionnement. Et je me dis que peut-être finalement, pour une raison X ou Y, il faudrait peut-être en faire une analyse plutôt liée au phénomène culturel, etc., développement des phénomènes culturels, mais où le récit numérique va peut-être chercher des modèles dans des choses que l'on connaît déjà par ailleurs dans le passé. Alors il y a un phénomène justement qui est intéressant dans le domaine que je connais bien, qui est celui du jeu vidéo, qui est celui non pas de game jam, mais d'interface jam plutôt, parce qu'en fait il s'agit souvent de détourner les codes de l'interaction donc homme-machine. Justement, peut-être est-ce que le jeu vidéo, en tout cas pour la bande dessinée numérique, ne serait pas une sorte d'avant-garde de ce qu'on peut faire en matière d'interaction homme-récit en fait, et de remettre l'homme en place dans le récit, qu'il évolue dans un récit, qu'il puisse le modifier, le tordre à sa manière. Est-ce que tu veux dire que tout a déjà été fait ? Je ne sais pas si c'est le sens de ta question. Ah non, que justement c'est un domaine plutôt d'exploration, puisque l'industrie de la bande dessinée telle qu'on la connaît est plus papier que numérique. Elle est très frileuse vis-à-vis du numérique, très très frileuse en ce qui concerne le numérique d'ailleurs. Excuse-moi de t'interrompre. Non, mais c'est très, très vrai. C'est ça ma question. Est-ce que actuellement, ce qu'on observe, donc, notamment sur le mobile, on a cité Framed, mais même ne serait-ce qu'un petit jeu comme Your Mischievous Mouse de Léon Arnott, où il s'agit de déplacer une souris avec sa souris. Est-ce que c'est pas... Est-ce que le jeu vidéo ne serait pas une sorte de terre d'exploration pour des créateurs de bandes dessinées numériques, mais plutôt de création numérique, tout bêtement ? Oui, et ça va plus largement que le jeu vidéo. Pour ma part, un certain côté militant, donc là j'ai encore parlé en tant que plasticien plus qu'en tant que théoricien, où je constate que les acteurs de la bande dessinée en France sont très frileux vis-à-vis du numérique, et que les acteurs de la bande dessinée numérique, quant à eux, restent un petit peu cantonnés dans leur bulle. Ils n'ont pas une culture du jeu vidéo spécialement. Certains peuvent l'avoir à titre personnel, mais on décèle quand même chez ces acteurs-là une certaine méconnaissance, pas une absence, mais peut-être une méconnaissance de ce qui s'est fait depuis des années en termes d'art numérique, de littérature numérique, et elle aussi, entre guillemets, très en avance sur la bande dessinée numérique. Et de loin, j'ai envie de dire, et ce qui s'est fait dans le jeu vidéo, et est-ce qu'on s'en inspire. Donc moi, je suis vraiment pour qu'on aille chercher dans ces domaines-là et ce qui se passe. Et d'ailleurs, quand je parle de domaines qui sont entre guillemets en avance, pour pouvoir analyser la bande dessinée numérique, j'ai dû aller emprunter des concepts chez les chercheurs qui traitent de ces domaines, qui ont déjà travaillé là-dessus. L'autre remarque que je ferais pour te répondre, c'est que parmi les acteurs de la bande dessinée numérique aujourd'hui, je disais que beaucoup peut-être semblent ne pas avoir cette connaissance-là, mais on remarque quand même que certains viennent du jeu vidéo ou de l'animation. Je remarque que les créateurs du Turbo Media, c'est des mecs qui ont adapté la façon de storyboarder dans leur profession du dessin animé à des récits en bande dessinée numérique. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu une petite explication sur ce que c'est que le turbomédia, justement? Alors, le turbomédia, je ne sais pas si je vais pouvoir le dire en deux mots. C'est une forme de bande dessinée diaporama, mais qui, au lieu de se contenter du passage d'une case à la suivante de cases uniques, va se faire selon toute une grammaire qui était proposée et largement explorée depuis, mais proposée à l'origine par Yves Bigerel, donc alias Balak, qui est justement un professionnel du dessin animé. Et donc, à partir de cette grammaire-là, on va pouvoir jouer sur tout un ensemble d'effets, de superpositions, de ralentis, de décompositions, de rémanences, etc., qui vont permettre de composer et décomposer l'image au fil de la lecture et de ne plus avoir simplement cet effet de diapositive, de diaporama qui se suivent les unes après les autres. C'est des choses qui ont été exploitées aussi chez les éditeurs de comics américains avec Marvel, avec les, je crois, les Infinity Comics, quelque chose comme ça. Tout à fait, ouais. Ça a été rappelé, appelé là-bas Infinite Comics, ouais, c'est ça. Et Adrien, tu voulais poser une question peut-être ? Oui, non, c'était plus une remarque qu'une question. C'est ce qui est intéressant dans ce phénomène du turbo-média, c'est qu'en fait, on vient rompre ce qui, selon moi, est peut-être un code, en tout cas un élément essentiel de la bande dessinée, c'est la temporalité, le mouvement. C'était Scott McCloud qui disait que, en tout début de son ouvrage L'Art Invisible, qui disait que la bande dessinée était un art séquentiel. Or là, j'ai l'impression que le turbo-média vient rompre cette séquentialité. Non, je pense pas que ce soit une rupture, c'est simplement la séquentialité de la bande dessinée, mais adaptée aux écrans et aux supports d'aujourd'hui. Il me semble pas plus compliqué que ça, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, je dois avouer que durant ce travail de recherche, durant ma thèse, j'ai un petit peu réévalué aussi ma position sur le turbomédia, que j'avais tendance à quelque peu critiquer, mais ça, c'est mon côté militant et praticien au départ. Alors, je persiste à dire que c'est la forme la plus minimale d'interactivité qu'on peut utiliser. Néanmoins, c'est une forme hyper intéressante dans l'optique, en tout cas, où on veut rester dans la lecture. Parce que c'est bien l'optique que se sont donnés donc les promoteurs du turbomédia et les praticiens du turbomédia, pardon. C'est-à-dire qu'ils voulaient, en inventant cette grammaire, éviter tout ce qui était d'un côté visionnage, où le spectateur reste passif, et puis si un texte est trop long, il n'a pas le temps de le lire avant que ça passe au suivant, ou s'il est trop court, bah, il s'ennuie. Et il voulait à tout prix éviter également des interactions complexes où il fallait toujours chercher ou cliquer, etc., du type prise de tête. D'où cette grammaire à mi-chemin, qui est très très adaptée au support. Alors paradoxalement, autant ils ont voulu éviter d'entrer dans le lire agir ou dans le lire visionner, donc éviter à tout prix de basculer dans ce que j'appelle la lectacture. Ils ont vraiment souhaité rester dans la lecture. Pourtant, en analysant plus profondément le turbomédia, je me suis rendu compte qu'il s'agissait bien d'une lectacture malgré tout. Qu'est-ce que tu entends par là ? Alors, c'est-à-dire que le lecteur agit quand même. Même s'il agit de manière un peu minimale, ça va quand même un peu plus loin que cliquer sur la page précédente, page suivante. Il agit sur les conditions de réception de son œuvre, de son récit. Et ce faisant, il joue sur le rythme et il permet, alors soit le lecteur a une certaine liberté, mais dans l'autre sens, on peut remarquer, on peut s'y faire l'hypothèse, c'est peut-être un peu prophétique, ce serait une utilisation possible du turbomédia, où on pourrait s'amuser en faisant varier, par exemple, la quantité d'éléments graphiques dans un écran ou la quantité de texte, faire varier le rythme du lecteur et en reprendre le contrôle alors que c'est lui qui est censé l'avoir. Ça, c'est peut-être un peu mes bidouilles à moi et ma façon de toujours tout détourner. Et puis de manipuler un peu le lecteur aussi. Justement, en parlant de manipuler le lecteur, tu nous expliquais que le turbomédia avait été conçu par des gens qui venaient de l'animation. Toi-même, dans tes œuvres, est-ce que tu as déjà ou est-ce que tu envisages de travailler avec des game designers qui vont peut-être pouvoir t'amener à penser des mécaniques d'interactivité auxquelles toi-même tu ne serais pas parvenu parce que bah, effectivement le métier du game designer c'est très exactement l'interaction. Oui, alors tout est possible, toutes les collaborations sont ouvertes. C'est vrai que jusqu'à présent, j'ai tendance à travailler tout seul dans mon petit coin avec mes petites bidouilles et mes petites connaissances en codage. Donc effectivement, je ne vais pas toujours très très loin. Il y a des choses que j'aurais envie de faire pour le tactile que je suis incapable de développer. Bon voilà, toutes les collaborations sont ouvertes. Je pense d'ailleurs, et c'est peut-être ça qui manque dans ce monde frileux de la bande dessinée qui essaie de se faire numérique, ce sont les collaborations, ce sont les échanges. Il faut être artiste technicien ou alors il faut être artiste avec un technicien pour aider, mais pas un technicien qui va simplement appliquer et qui va simplement dire d'habitude sur le web on clique comme ça, alors là on va faire ce type de clic parce que c'est comme ça que ça marche et que les gens sont habitués à ça, mais un technicien qui peut vraiment justement avoir une approche critique lui aussi de l'interface, du design d'interactivité, et qui peut peut-être travailler dans un dialogue fécond, en tout cas avec l'artiste. Ça veut dire que bientôt, potentiellement, dans des bandes dessinées, on aura dans les crédits auteur, illustrateur, coloriste et directeur technique. C'est possible, c'est déjà le cas sur certaines productions pro, comme les bandes dessinées numériques documentaires qu'on peut trouver sur Arte, par exemple, où il y a vraiment, en plus de toute cette liste de personnages qui interviennent, on a en plus les journalistes, etc. Je me posais une question, puisque en fait, je me suis rendu compte, on a parlé de numérique, mais on n'a pas parlé d'intertextualité, qui je pense est un élément central du numérique et de son développement de ces 20-30 dernières années. Dans le jeu, en tout cas vidéo, on peut le voir, donc par exemple dans les RPG avec des mondes foisonnants, avec des textes qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent, et qui créent un monde... voilà, cohérent. À ma connaissance, il n'y en a pas en bande dessinée, ou alors peut-être en numérique, je ne sais pas, c'est ma question. Est-ce qu'on retrouve des expérimentations sur l'intertextualité, justement ? Alors, j'ai du mal avec le terme intertextualité. Est-ce que tu parles du transmédia, des choses comme ça, ou est-ce qu'on ne se comprend pas du tout ? Intertextualité, c'est dans l'idée, par exemple, le phénomène de la sérendipité, c'est de cliquer sur un lien qui mène sur un lien qui mène sur un lien. Ouais, je sais pas si ça existe spécialement en termes de bande dessinée. Après, en termes d'univers qui se développe sur différents médias, ça a été tenté et c'est un petit peu en suspens, j'ai l'impression, à moins que je sois mal informé, par Media Entity, donc qui est une création, développement d'un univers autour d'un turbomédia. Donc le turbomédia à l'origine était central, mais il y a eu X variations depuis, parce que les auteurs ont été contactés par Delcourt, je crois, pour l'édition, donc du coup ils se sont plus remis sur la bande dessinée papier. En tout cas, leur but à eux, c'était depuis 2012, c'était de développer un univers complet, en travaillant le turbomédia, la bande dessinée papier, un jeu de rôle, des jeux en réalité alternée, etc., composant un univers complet. Donc voilà, en tout cas, ça c'en est un exemple dans la bande dessinée numérique. Et pour revenir à ton travail toi-même, du coup, je vais poursuivre dans l'idée de l'idée de travailler avec un game designer. Justement, les formes d'interaction qui sont présentes dans tes œuvres, comment tu les conçois, comment tu les développes, d'où est-ce qu'elles te viennent, est-ce que c'est le récit qui inspire l'interaction, l'interaction qui inspire le récit, est-ce que c'est des choses que tu as pu observer ailleurs? Alors je disais tout à l'heure que j'étais très très marqué et très fan du travail de Lou Bappo, et bien là c'est la même chose, en fait la grande majorité du temps, tout ce que je raconte est modelé par le dispositif que j'ai déjà pensé en amont. Donc j'imagine, je ne sais pas, qu'est-ce que ça peut être, un système où on va survoler des zones et faire apparaître autre chose, bon, je dis un truc lambda, et ensuite je vais chercher quelle histoire je vais bien pouvoir raconter là-dedans et comment je vais pouvoir en faire X variantes et qu'est-ce qu'on peut encore inventer et comment aller plus loin. Mais ça part souvent du dispositif, ouais. Ah oui, donc là dans ce cas précis, on est effectivement dans une approche vraiment vraiment proche de celle du game designer, où l'interaction, la forme de l'interaction va commander à la forme du produit derrière. J'entends par produit jeu pour un jeu vidéo ou bande dessinée dans ton cas. Oui, mais par contre, je me réfère pas du tout au métier de game designer ou designer d'interaction. Ma référence, c'est vraiment la création sous contrainte. La contrainte oulipienne ou bappienne ou sous toutes ses formes. C'est vraiment ça ma façon de travailler. C'est contrainte de déterminer moi-même une contrainte de création que je vais tenter comment dire, de dérouler derrière. Alors, je vais ajouter une petite remarque à la question de Manuel. Je suis pas tout à fait d'accord, puisqu'en fait, il y a la méthode d'interaction, certes, contraint un petit peu la création, mais il y a des tentatives de détournement. J'ai parlé tout à l'heure de Your Mischievous Mouse, mais le cas le plus connu, c'est sans doute le cas de Metal Gear, d'Hideo Kojima, notamment avec ce personnage de Psychomantis qui est censé rentrer dans la psyché de l'autre personnage. Et ce qui fait qu'on doit débrancher la manette et rebrancher dans l'autre, il y a ça. Et donc ce qui fait que bah voilà, le joueur doit sortir du jeu pour continuer à jouer, ce qui est assez intéressant, et du coup sortir du dispositif d'interaction pour après reprendre l'interaction. Et l'autre cas, c'était, oui, encore dans Metal Gear, où en fait, tout simplement, à un moment, on doit contacter quelqu'un et son numéro est sur la boîte du CD. Donc au départ, on cherche dans le jeu où est le CD, en fait, c'est simplement le CD du jeu. Donc voilà, c'est toute cette petite parenthèse sur l'interaction, comme quoi le dispositif d'interaction, certes contraint, mais aussi on peut l'interroger. Ah oui, non, mais je pense que ça reste. Je pense que ça reste dans la même idée. Je pense je ne saurais dire dans le cas d'un personnage comme Psychomantis, par exemple, si c'est le fait que le game designer dise ce sera intéressant que le joueur soit obligé de débrancher la manette pour la rebrancher, et du coup on va mettre en place un élément de récit qui va permettre de pousser le joueur à faire ça, ou l'inverse qui joue. Dans le cas d'Anthony, effectivement, on est dans une approche où c'est plutôt ce qu'on veut faire au joueur ou au lecteur qui va commander à l'histoire qu'on raconte derrière, plus que l'inverse. C'était plutôt sur cette remarque-là que, enfin, sur cette approche-là que je rebondissais. On va commencer à avoir fait un petit peu le tour. On est sur un podcast un petit peu plus court que les précédents pour des raisons, on va dire, de logistique et technique. Mais nous reviendrons dans 15 jours probablement avec un numéro un petit peu plus long. En tout cas, merci de nous avoir suivis, Adrien, merci d'avoir été avec nous. À distance, du coup, les choses étaient un petit peu plus, comment dire, aléatoires. Aléatoire, ouais, voilà, rock'n'roll que d'habitude, hein, on peut utiliser les grands mots. Alors, Anthony, on a une dernière question traditionnelle. Pour toi, elle va être un petit peu piège, mais je vais quand même laisser Adrien la poser. Elle va être un petit peu piège, tu vas comprendre pourquoi dès qu'il l'aura posée, mais voilà, n'aie aucune peur. En tout cas, voilà, c'est un peu la tradition de terminer sur cette question-là dans l'udologie. Alors oui, certes nous avons notre running gag de Candy Crush que Manuel sur comment dire, surkiffe comme disent les jeunes. J'ai réussi à pas en parler du tout aujourd'hui, quoi. Ouais, je t'applaudis. Et donc la running question, la question redondante, c'est tout simplement, en ce moment, à quoi tu joues? Eh bien justement, je ne joue pas, donc la question est biaisée d'avance. Non, je ne joue pas, en tout cas, à des jeux vidéo. Et à des jeux pas vidéo. Et des jeux pas vidéo. Oui, je veux toujours voir ce qui se fait en récit, en bande dessinée numérique, etc. D'une certaine manière, je joue, en effet. Ou alors, qu'est-ce que tu lis en ce moment comme BD? Qu'est-ce que tu... Voilà. En ce moment, suite aux affaires de Charlie Hebdo, je me replonge, je me ressource dans la série Jérôme d'Alphagraph de Neil Sow. Ça fait beaucoup de bien. Et ben voilà, une petite recommandation lecture, ça changera un peu nos auditeurs qui passent leur temps à jouer avec des pions et des manettes, cette bande de glandeurs. En même temps, on est un peu pareil, mais du coup, un peu de culture de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Voilà. Et un peu de provocation gratuite non plus. Merci beaucoup Anthony, merci beaucoup Adrien, et puis on se retrouve dans 15 jours, on va continuer à jouer d'ici là, vous aussi, on va lire des bandes dessinées, et puis des bandes dessinées interactives, bien évidemment on vous mettra sur le site, enfin vous le savez même probablement déjà si vous nous écoutez, mais on va vous mettre sur le site de Ludologie les liens des différentes publications d'Anthony Rajol, Tony de son nom d'artiste. Vous aurez l'occasion vous-même de vous prendre la tête sur prise de tête. Et puis vous pourrez effectivement vous poser la question, est-ce que je suis en train de jouer ou est-ce que je suis en train de lire? Nom de Dieu, bordel de Dieu. En tout cas, on vous dit à très bientôt, on a passé un bon moment, et puis on espère que vous aussi.